Alors, hier, on apprenait donc les systèmes informatiques du gouvernement qu'il faut remplacer. Et c'est dans la machine depuis déjà, je pense, la fin des années 90. La facture totale va probablement atteindre, si c'est pas dépassé, le milliard. Et on a parlé ce matin... Le chiffre initial, c'était que moi, je m'en souviens, là, c'était 83 millions qu'on nous avait annoncé en 1998. Oui. C'était 83 millions. Et ce matin, le président du Conseil du Trésor, M. Bédard, nous a donné des exemples. Exemple, au ministère de la Justice, il y a des programmes complets qui avaient été élaborés, qui ont été abandonnés. On parle d'une radiation de 60 millions, de commandes qui ont évolué, de l'incompétence de beaucoup de gestionnaires dans ce domaine-là, ce qui retarde les choses, et aussi du nombre limité de joueurs qui peuvent alimenter le gouvernement. Ben, c'est clair que c'est un robinet ouvert, puis moi, durant le temps que j'ai été à l'Assemblée nationale, je regardais les rapports du vérificateur général, je regardais les échecs, parce que c'est des échecs cumulatifs dans chacun des domaines. Puis il n'y a pas juste au Québec que c'est des échecs. Souvenez-vous du registre des armes à feu, ça a été un échec aussi. Le dossier Santé Canada, un échec. Tu sais, l'informatisation, ce sont des échecs successifs. Là, les questions qui se posent, c'est que ça va coûter un milliard. Où est-ce que ça s'arrête? Qui va fermer le robinet? Est-ce qu'on est capable de faire... Parce que le problème, quand tu commences une réforme informatique, c'est que tu te mets les deux mains dans le tordeur. Puis là, à partir du moment où tu as commencé à faire ça... Essaye de sortir. Parce que tous tes processus, tu commences à les transformer, tu fais une nouvelle formation, puis là, ben, t'as plus le choix, là. T'es entraîné là-dedans. Complexe comme situation. Moi, j'ai essayé de comprendre un petit peu. C'est gigantesque ce qu'ils veulent faire. Ils disent toutes les ressources humaines, toutes les ressources financières, toutes les ressources vont être intégrées dans un seul système. Fait que je vais te laisser la parole, mais j'ai essayé de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'ils veulent dire au juste avec ça. Ouais, ben, je pense que d'abord, c'est un domaine de haute expertise où souvent ceux qui prennent les décisions, ceux qui ont à dire le mot final, connaissent pas vraiment ça. Puis c'est comme un peu inévitable. C'est probablement aussi vrai dans d'autres domaines. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu lieu au gouvernement, bon là, il est trop tard, mais à la fin des années 90, de vraiment, là, tu sais, des fois, on parle au ministère des Transports, dans d'autres domaines, du manque d'expertise, mais voilà un domaine où le gouvernement, si on avait ce genre de latitude-là, ça aurait valu la peine d'engager 10, 12, 15 des vrais, vrais brains, là, des vrais, vrais têtes d'informatique, quitte à y payer 1,5 million chacun, là. Puis ouais. Vous autres, vous allez être l'équipe, là, qui va faire quelques... Parce que dans le fond, le président du Conseil du Trésor, quel qu'il soit, le libéral, péquiste, connaissent pas vraiment ça. Est-ce que t'es vraiment équipé pour dire, on te présente un projet informatique, on dit, on va utiliser tel logiciel, telle affaire... C'est ce que tu veux dire. Puis après ça, une fois qu'ils sont rendus à mi-chemin, ton consultant informatique te call une réunion puis il te dit « Ouais, là vous avez mis là, 183 millions, mais là, si on n'en met pas 42 autres, le projet va arrêter à mi-chemin. » Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux mais il y a quand même 1100 personnes là, qui travaillent dans le service informatique. J'ai de la misère à me dire qu'il n'y en a pas au moins un dixième qui sont du monde allumé puis qui comprennent de quoi il s'agit. Oui, mais je pense qu'ils ne sont pas décisifs. Mais j'ai eu beaucoup de courriels de consultants. Ouais. De gens qui pataugent dans ça. Et ce qui revient tout le temps, il y a deux ou trois éléments. D'abord, l'absence de... Pas de vision, mais... de cohérence de la part du gouvernement, souvent des projets qui sont élaborés changent en cours de route. Oui. Pour toutes sortes de bonnes raisons. Des fois, c'est des raisons légales, la confidentialité, il faut mettre telle protection, qui a accès à, ce qui est une chose. Mais aussi, quand il y a vraiment, comme on dit, on fait, on défait, on refait. Ouais. Ça arrive. Mais je pense qu'il y a aussi du monde du côté des entreprises là, qui abusent du gouvernement. Oui, qui alors, savent que c'est un bon client qui abuse. Et là, c'est ça. L'autre point qui est soulevé, la firme voit un client instable, sait que le client est le gouvernement et qui va dépenser, va pas lever beaucoup de signaux d'alarme en disant, pense qu'on est à la limite de ce que vous pouvez payer, là, tu sais. Ça va loin. C'est un gros chéquier, un peu niaiseux, là, tu sais. Mais ça va loin. Moi, je tombe sur Michel Blanc. Elle, ce qu'elle dit carrément, et ce qu'elle fait dire à un des représentants d'une firme informatique, c'est, on n'est pas pour offrir les solutions les moins coûteuses. On a là l'occasion de déployer des systèmes à la demande du client. On va y aller largement. Puis ça, c'est, comment ça fonctionne? Elle explique deux choses. Elle dit, regardez, ce qu'on essaie de faire, là, c'est de tout structurer dans un seul système. Alors qu'il y aurait moyen, maintenant, avec les solutions web, de garder les systèmes qui sont en place et de ne travailler que sur les connexions entre les différents systèmes. Ce qui serait beaucoup moins compliqué, ce qui permettrait, ce dont Stéphane Bédard parlait, les logiciels libres. Autrement dit, on est en train d'essayer de fusionner des éléments difficiles à fusionner, puis ça va changer tout le temps parce que les demandes sont toujours en train de changer, alors qu'on aurait pu et qu'on pourrait probablement encore dire voici quels sont les systèmes, comment ces systèmes-là peuvent-ils communiquer d'une façon efficace. Ça a l'air un petit peu abstrait, mais je pense qu'il faut comprendre ce que ça veut dire pour un gouvernement d'essayer d'intégrer l'ensemble de ces ressources-là. C'est démentiel comme projet. Moi, ce que je vois venir, c'est une œuvre inachevée. Mais tu sais, le dossier de santé électronique, c'est un bel exemple, ça, de délai. Ça, c'est quand même qu'on va y arriver. Il y a des délais incroyables. Mais ça fait combien d'années? Mais c'est pas là du dossier de santé. Moi, je fais toujours le parallèle, dès qu'on parle du dossier de santé, avec le système bancaire. Parce que dans le fond, ce dossier-là a été commencé, les projets pilotes en la matière, puis d'ailleurs, c'était dans l'Est du Québec, c'était pas loin de chez nous, c'était à Rimouski, je pense, le premier projet pilote du premier système informatique de ça. Fin des années 90. Et à ce moment-là, le monde bancaire commençait aussi certaines expériences. Aujourd'hui, depuis des années, tu sais, nos affaires en bancaires qui sont ultra sécurisées, parce qu'on nous dit, oui, mais en santé, il faut sécuriser. Oui, mais on fait des transactions, là. Tu sais, on verse de l'argent, on paye nos comptes, on paye. Depuis des années, c'est pas depuis hier, depuis une décennie, on paye tout en ligne. C'est comment le monde bancaire a pu. C'est un monde qui est obligé d'être sécurisé. C'est un monde qui est gros, qui a beaucoup de clients, beaucoup de points communs, à faire avec le gouvernement. En quelques années, ils ont réussi. Je dis pas qu'il n'y a pas des ratés, là. Tous les systèmes de toutes les banques, à un moment donné, ça a planté un 24 heures, un 12 heures. Il y a des, mais pas des vrais échecs, pas des vrais ratés. Ils ont eu des résultats. Moi, je reste d'avis quand même que c'est un domaine, il y a une grosse lumière rouge d'allumée. Mettons une lumière jaune d'allumée dans le tableau de bord, là, pour ce qui est de scandale là-dedans. Ouais. T'sais, on s'entend que c'est un nick à scandale, là. Un client qui a un gros chéquier, qui connaît pas vraiment ça, à qui tu peux y en passer une puis une autre. Mais drôlement inquiétant. Mais la description qui est faite dans le rapport du vérificateur, là, ouais, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu au ministère des Transports et avec les villes. Ouais. Je dis pas que c'est ça, là, mais. Étant donné le peu de firmes capables de faire ce type de contrôle-là, c'est très difficile d'imaginer qu'il n'y a pas eu quelque part, en tout cas, des failles dans l'attribution des contrats. Mais je vois qu'il y a des avantages économiques. J'entendais qu'on avait ouvert un bureau à Chicoutimi puis un autre à Rimouski. Je me suis dit, écoute, c'est bon pour les régions. Bon week-end. On va vous retrouver mardi. Il est 8h45.